Alors, je confiai le lino à Sariette. Il me sembla qu'avec le lino, je lui laissais aussi un peu de mon cœur. Et je partis seul pour les Aigues, ville maussade, aux larges rues que l'herbe envahit, aux grands hôtels mornes qui jamais ne s'ouvrent et où s'éteignaient, bien vite, comme une fusée tombant dans l'eau, nos phares d'étudiants et nos beaux essais de vacarme. Nous nous écrivions avec Sariette. Elle me donnait des nouvelles du lino. Puis les jours, les mois passèrent. Sariette ne m'écrivit plus. Et peu à peu, la joie de découvrir la vie, ou plutôt ce que, de 15 à 20 ans, on croit être la vie, me fit oublier le lino et la cousine Sariette. Lorsque je retournai au pays, Sariette était grande et belle, si grande et si belle qu'à la gare. On nous avait depuis mon départ construit une gare. Je n'osais pas l'embrasser. « Bonjour, cousin !»« Bonjour, cousine !» Rien de plus, j'étais ébloui. Mais dans mon cœur, violemment, venait de pénétrer ce sentiment de honteuse rancune particulier aux gens timides qui s'en veulent d'être amoureux. Car j'étais amoureux. Et certes, ne le cachez pas, raconta mon amour aux rochers, aux étoiles, à la nature tout entière, sauf cependant à la seule personne que la confidence aurait pu intéresser. Sariette, je la fuyais. Maussade lorsqu'elle était là, et me cachant au fond des bois pour rêver rageusement d'elle. Parfois, dans ses jours de gaieté, Sariette m'appelait « Monsieur l'ours ». Et grand-tante se demandait. Sariette vivait chez notre commune grand-tante. D'où pouvait me venir cette haine pour ma cousine ?